Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Caprice de lecture où aujourd'hui je reçois un nouvel acteur des métiers du livre parce que je reçois le directeur d'une maison d'édition, les éditions des territoires témoins, Serge Cloc. Bonjour Serge. Bonjour Sarah. Je suis très contente que vous ayez accepté cette invitation pour que l'on puisse parler d'une maison d'édition de notre région, de notre département, la Meurthe-et-Moselle. Et merci de m'avoir invité pour en parler. Merci à vous. Alors, comme d'habitude, l'émission va se décomposer en deux grandes parties. La grande partie sera exclusivement consacrée à notre invité du jour. Il y aura quelques coupures musicales. Et après, on parlera donc du caprice de la semaine, qui est donc une lecture que soit Serge ou moi-même, nous vous parlerons pour vous donner envie de lire. Serge, est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. Alors, la maison d'édition, les éditions des territoires témoins, se situe à Malzéville, d'accord ? Elle est née en 2009. Exact. D'accord ? Comment elle est née, cette maison d'édition ? Comment l'idée est venue ? Alors, il y a longtemps que j'avais envie de créer une maison d'édition, mais à cette époque-là, il n'y avait pas le numérique et il n'y avait pas Internet. Voilà. Donc, tout était beaucoup plus compliqué. Mm-hmm. Il aurait fallu déjà imprimer beaucoup plus de livres. Il y avait des seuils de rentabilité qui étaient de l'ordre de 10 000 exemplaires. D'accord. Donc, il fallait un hangar. Ouais. Et puis, voilà. Donc, et puis, une petite fortune aussi. Oui. Hein. À l'époque, on disait que si on voulait faire faillite, le mieux, c'était de monter une maison d'édition. Donc, vous voyez. Donc, avec le numérique et avec le web, c'était beaucoup plus simple parce que déjà, on peut imprimer en beaucoup moins nombre d'exemplaires et on peut les tirer à la demande. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était un avantage très important. Donc à partir de là, on pouvait effectivement créer une maison d'édition. Voilà. Ok. Donc vous êtes combien en fait dans cette maison d'édition ? Alors on est principalement deux, c'est-à-dire Rachel Valentin qui est éditrice comme moi et moi-même. D'accord. Et puis il y a, comment dire, un comité de lecture qui est à géométrie variable. Ok. Parce que selon le cas, on envoie le manuscrit à lire à certains ou à d'autres, selon les sensibilités. Quoi, voilà. D'accord, donc vous connaissez vos lecteurs et les membres de votre comité de lecture. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Alors, j'ai vu en allant voir donc, le site internet des éditions des territoires témoins qu'il existe quatre thèmes ou quatre grands types de littérature qui sont produites par cette maison d'édition. Exact. Donc, on a locutio, borderline, dépendance et la dernière, j'ai oublié... Gourmande, merci. Alors, comment on choisit le ou les manuscrits à retenir en fonction donc, de ces quatre grands thèmes ? Et est-ce que vous avez du coup un... Alors, vous avez un peu répondu à la première question. Est-ce qu'il y a un comité de lecture qui est organisé en fonction de ces quatre grands thèmes ? Alors, on choisit les livres en fonction de notre... comment dire, nos collections. C'est clair que si ça rentre pas, ben on prend pas. Si on nous envoie, je ne sais pas, des livres historiques, ce n'est pas la peine. Non, si on nous envoie des livres pour enfants non plus, vous voyez. Donc, vous faites principalement du roman contemporain. Du roman contemporain, voilà. Fiction ? Fiction, que des fictions. Que de la fiction. Principalement des fictions. Parce d'accord. Que, bon, la fiction, on peut en parler, mais c'est souvent pas que de la fiction, naturellement. Hein. Okay. Et, bon, la collection gourmande est un peu à part, puisque, en fait, c'était des biographies de cuisiniers. Ou des recettes, voilà. Et ça marche moins bien Non, ça marche très bien. Et ça marche toujours, même des livres qui ont maintenant presque 10 ans, mais qui sont toujours demandés. Oui. D'accord. Parce qu'en fait, les recettes ne vieillissent pas. Non, c'est intemporel une recette de cuisine. Voilà. C'est vrai. Voilà. Ok. On va faire une pause tout de suite, musicale, et puis on revient juste après avec Serge. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I don't know what you do to me, Tutti Frutti. Oh, Rudy. Tutti Frutti. Oh, Rudy. Tutti Frutti. Oh, Rudy. Tutti Frutti. Oh, Rudy. Tutti Frutti. Oh, Rudy. Wop, wop, wop, wop. What you do to me, to the food? Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission de Caprice de lecture en présence de Serge Cloque, directeur des éditions des Territoires Témoins, qui répond très gentiment donc à toutes mes questions. Serge, troisième question. On parle de l'effet Covid des écrivains, c'est-à-dire que pendant le premier confinement, tout est à l'arrêt. Et il y a plein de personnes qui se sont mises à écrire pensant être... on va dire les nouveaux Marc Lévy ou voilà, en étant persuadé d'avoir un talent fou. Est-ce que vous avez constaté une augmentation de réception de manuscrits? Et du coup, est-ce que vous avez découvert de nouveaux talents? Alors effectivement, il y a eu un effet Covid dans la réception de manuscrits. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Et le problème, c'est que c'était souvent des fichiers qui n'est... Bon, on peut recevoir les manuscrits sous forme de fichiers ou de papier. Nous, oui. Personnellement, on préfère le papier, mais bon. D'accord. On a effectivement reçu un projet de Christian Cognier. OK. Et Christian Cognier, c'est un écrivain qui a déjà aguerri, puisqu'il a été publié chez Actes Sud, chez Flammarion, oui. Chez L'Âge d'Homme et tout ça. Mmh. Voilà. Il nous avait proposé un premier manuscrit sur lequel on ne s'était pas trop mis d'accord, qu'il a fait publier chez Kerol, je crois. D'accord. Ou Kéros, pardon. Je ne suis plus sûr. Enfin, donc un Parisien. Et puis il nous a proposé Éclat d'Eros sous Covid-19. OK. Donc, voilà. Et qu'on a accepté et qu'on a publié, voilà. D'accord. Alors, ce roman a la particularité, effectivement, de se passer pendant le confinement, mm-hmm. C'est-à-dire où les gens sont en relation seulement par les réseaux sociaux. Oui. Voilà. Donc, il se bâtit toute une histoire, une intrigue, d'échanges, même de courriels plus ou moins érotiques. Et au moment où les gens doivent se voir, c'est là qu'il peut se passer quelque chose. Mais ça... Il faudra lire le livre. Il faudra lire le livre. Vous nous rappellerez la référence à la fin, oui, hein, qu'on puisse bien le... D'accord. Et puis on le fera apparaître aussi. Alors, quand le choix de manuscrit est effectué, avec votre comité de lecteurs, comment se passe votre relation avec l'écrivain? Et puis surtout, moi j'avais une deuxième question, c'est comment vous justifiez un refus? Déjà, votre relation avec l'écrivain, alors moi j'imaginais, vous l'appelez, vous lui dites, bonne nouvelle, votre manuscrit est retenu, on va l'éditer, comment ça se passe par la suite? Alors, en général, si le manuscrit est retenu, on lui envoie un mail. Parce que souvent, quand il envoyait le manuscrit, il envoyait un mail. Il, ouais. il a donné son adresse okay. mail. Bon, autrefois, on l'appelait parce qu'il n'y avait pas le mail. Oui. Voilà. Donc, c'était rarement par courrier. C'était toujours par mail ou par téléphone. Voilà. Okay. Et ensuite, la relation, c'est simple. On lui propose un contrat. Mm-hmm. C'est la meilleure façon de matérialiser notre D'accord. relation. Vous voilà. proposez un accompagnement, quelque chose, ou c'est vraiment un contrat Le contrat, c'est un contrat d'édition, un contrat d'éditeur. Mm-hmm. Hein. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de faux éditeurs oui. qui proposent des contrats soi-disant d'éditeurs. Mais nous, c'est un vrai contrat d'éditeur, c'est-à-dire que l'auteur ne paye jamais rien. Oui. Nous, chez nous, l'auteur... Vous prenez tout en charge. Voilà, l'auteur, il est payé. Enfin, je veux dire, il reçoit des droits, mm-hmm. mais lui ne dépense pas d'argent voilà. pour être édité. Voilà. Il y a d'autres maisons qui ne font pas ça, effectivement. Ah ben oui, il y en a même beaucoup de gens se laissent prendre à ça. Oui. Et pas des petits, d'ailleurs, même des gens qui... Bon, là, enfin, peu importe. Oui. Faut dire aussi que les faux éditeurs font beaucoup de publicité. Oui. Alors que nous, on n'en fait jamais. Mm-mm. Voilà. Mm-mm. Ok. Et du coup, pour justifier un refus, vous faites comment ? Vous recevez un manuscrit, alors un roman, qui ne correspond absolument pas à votre ligne éditoriale. Est-ce que vous faites un courrier ? Est-ce que vous conseillez plutôt, on va dire, l'auteur sur peut-être des choses à retravailler si vous pensez que derrière, il y a un vrai talent ? Ça se passe comment ? Oui, d'abord, on répond toujours. Mmh. Ensuite, on répond en détail quand ça se justifie. Disons que si c'est vraiment en dehors de ce qu'on publie d'habitude ou si c'est vraiment, comment dire, trop mauvais, ouais. Bon là, on ne peut pas justifier, on peut juste dire que ça ne nous intéresse pas. Mais quand c'est, on voit que ça pourrait être possible, donc on suggère des pistes, on suggère de retravailler, on suggère de modifier des choses. D'accord. Et très souvent, l'auteur nous est, comment dire, reconnaissant d'avoir fait ça. Oui. Parce que tout le monde ne le fait pas, déjà. Bah, souvent, c'est soit pas de réponse du tout, ben oui, voilà. Soit un non fermé définitif et on ne sait pas pourquoi. Oui, voilà. Eh oui. Le pire, c'est ça, c'est de ne pas comprendre pourquoi. Donc voilà, on retient beaucoup à ce que les gens aient une vraie réponse parce que c'est très important pour eux et c'est le moyen de progresser aussi. Mm-hmm. Voilà. Ok. Donc c'est chouette, vous les prenez quand même en main. Moi, oui, je trouve ça chouette. Dit, on les prend encore en main, disons, une fois que c'est signé. Parce que ça, c'est la deuxième phase où on peut les prendre en main. D'accord. Là, ça veut dire qu'on a trouvé que c'était assez intéressant pour le prendre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à changer. Oui. Au contraire, souvent... Il y a un travail de relecture, du coup, derrière. Ah, même avant la relecture, il y a un travail pour dire, bon, bah, le personnage-là, il ne sert à rien, ou là, c'est trop long. Enfin, voilà, on fait un vrai travail comme ça. Ouais. Et là aussi, ils nous sont souvent très reconnaissants. Ça parce prend que... du temps, ça parce que... Énormément de temps. Oui, j'imagine. Et plus il y a le manuscrit, plus ça prend de temps. Parce qu'on reçoit énormément de manuscrits, en fait. Voilà. En fait, vous ne voyez pas les journées passer. Alors qu'on en publie très peu. Vous faites le métier de rêve pour tous les gens qui aiment lire. Vous passez vos journées à lire. Oui, c'est génial. Mais on ne les a pas tous choisis, les livres. On va faire une deuxième pause musicale. On se retrouve juste après. Thank you. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans Caprice de lecture avec Serge Cloque, qui, je le rappelle, est directeur de la maison d'édition, les éditions Territoire Témoin. Serge, j'avais une dernière question pour vous. Je voulais savoir si la maison d'édition avait des projets d'expansion ou de ligne éditoriale, par exemple, faire de la jeunesse, du manga, de la BD ou autre chose, peut-être des projets à venir. Oui, alors, on n'a pas l'intention pour le moment de créer de nouvelles collections parce qu'on est déjà extrêmement occupé avec les quatre qui existent. Et ce qui peut arriver, c'est qu'on contractualise pour publier des traductions de romans qui nous intéressent par ailleurs. Ça peut arriver, voilà. D'accord. Donc, par exemple, un roman finlandais. Oui, si on veut, oui. D'accord, je raconte n'importe quoi. Un roman finlandais, vous pourriez avoir un contrat avec un traducteur. Oui, exactement. Ou la maison d'édition, et pour permettre de transmettre en français. Exactement, oui. D'accord. On a déjà eu des propositions, enfin, c'était pas vraiment des traductions, quoique, c'était d'auteurs canadiens qui auraient bien voulu qu'on les publie en France. Alors, il fallait pas traduire, là, mais bon, c'était un peu compliqué, d'autant que, en fait, le public canadien et le public français n'ont rien à voir. C'est pas qu'ils n'ont rien à voir, ils ont un peu la langue, mais c'est pas les mêmes thèmes, c'est pas... Ouais. Voilà. Bon, alors, Canada ne plaira peut-être pas forcément en France. C'est ça. Quand bien même, il y a la langue qui peut être commune. Exactement, oui. D'accord, voilà. Ok. On va faire une dernière pause musicale avant de passer aux caprices de la semaine. Caprice de lecture sur Fadjet. Le caprice de la semaine va nous être dévoilé cette semaine par Serge, qui va nous parler d'un roman. Serge, dites-nous. Le roman s'intitule « Ceux que nous sommes » et il est de Dorothée Xinte. D'accord, voilà. Alors c'est quoi l'histoire ? Alors déjà, Dorothée Xinte, c'est une jeune autrice, c'est son premier roman. D'accord. Qui habite à Arles. Ok. Je vous le dis parce qu'en fait, c'est une de nos caractéristiques, c'est que nous, les auteurs, viennent de partout. Oui. Ils viennent de Nice, de Paris, quelquefois. Évidemment de Nancy, mais ils viennent de partout. D'accord. Donc, Dorothée Xinte nous a nous a proposé son premier roman, après avoir quand même, c'est logique et c'est normal, essayé de le vendre un peu partout. Ben oui. C'est toujours, voilà. Et finalement, il a dit non, je fais avec vous. Voilà. Bon, donc on super. Était très contents. Alors l'histoire de ce roman, en fait, c'est un peu l'histoire de ses arrière-grands-parents. D'accord. C'est-à-dire ceux qui sont revenus de la Première Guerre mondiale. Ok. Il raconte comment ils sont revenus, dans quel état, ce qu'ils ont dû subir en revenant pour se réacclimater, pour revenir dans une famille où ils n'étaient peut-être pas, comment dire, ils étaient peut-être en trop du coup, parce que les femmes avaient dû faire face à tout ce qui devait se passer. Ils avaient pris l'habitude de faire sans eux. Et ils sont revenus souvent gazés, malades, oui. Ils devaient courir amputés. Amputés après des pensions, et voilà. Donc c'est ce retour à la vie-là qu'elle explique ici. Et elle dit elle-même que ce sont des événements qui ont ballotté les gens pour des causes qui ne les intéressaient pas du oui. tout. Et ce sont les victimes de ce genre de conflit. On le voit d'accord. bien aujourd'hui en oui. Ukraine, c'est tout à fait... C'est pour ça que j'ai amené, puisque son roman est tout à fait d'actualité, quoi, voilà. D'accord. Merci Serge de nous avoir fait découvrir la maison d'édition Territoire Témoin, votre personnalité, votre organisation et puis aussi ce roman. Encore un grand merci. Nous allons nous quitter sur cette belle découverte et je vous dis à très bientôt. Au revoir.